France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 114. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 30 mars 2008, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Chapka de Zibeline, tu es Pravda, rien que la Pravda, tu es embaumé Place Rouge ou en balade Place Pouchkine, tu es danseur étoile au Bolchoï ou Cosaque au Spartak, tu es pop en Troïka et tu es aussi... Je croyais que tous les habitants de cette région jouaient de la balalaïka. Vous n'habitez pas ici alors? Non Yuri, nous habitons Moscou, c'est très loin mais je suis persuadée que tu te plairas à Moscou. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu es Mayakovsky dans la ruche russe, tu es doucement moscovite. Alors, le 2 mars dernier, les Russes ont voté pour élire le successeur de Vladimir Poutine au Kremlin. Dmitri Medvedev a eu chaud puisque son parti n'a remporté le scrutin qu'avec 70% des suffrages, dis donc. Mais pas d'inquiétude pour la démocratie en Russie. Car pour le seconder, le nouveau président aura à ses côtés l'affable Monsieur Poutine comme Premier ministre. Une occasion rêvée pour la panique au Mangin Palace d'embarquer à bord d'un Tupolev direction Moscou durant 53 minutes pour explorer la capitale de toutes les Russies. Et pour commencer notre odyssée moscovite, de la Place Rouge au pont Alexandre III, nous allons revisiter l'histoire des amours franco-russes. Ensuite, durant quelques minutes, nous t'offrirons un petit guide pratique de la vie culturelle à Moscou, si tu comptes y passer un week-end. Et dans la foulée, grâce à la troupe des Déchiens, nous découvrirons justement la causticité de la scène théâtrale moscovite. Et puis, nous irons à la rencontre de cette figure emblématique de la Russie d'aujourd'hui, un humaniste trop souvent critiqué, le tsarkastique Vladimir Poutine. Et enfin, nous te dévoilerons pourquoi Monique et Jean-Claude ont passé leur soirée dimanche dernier au Kremlin Bicêtre, une petite commune du sud de Paris. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez! C'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son car la moujik est bonne. Together, I can't see me loving nobody but you. For all my life, when you're with me, girl, the sky's the limit. Happy Together, chanson réinterprétée en 1994 par les Cowboys de Leningrad, accompagnée bien sûr des magnifiques chœurs de l'Armée Rouge. Soyons heureux ensemble, c'est sans doute le deal conclu par le nouveau tandem Medvedev-Poutine. Mais bon, comme chacun des deux va vouloir très vite revendiquer le grade de Lénine, le tout risque de s'achever par un duel de cowboys. Alors ce matin, à l'heure où nos dirigeants atlantistes admirent avec émerveillement tout ce qui vient de l'Ouest, la panique au Mangin Palace, toujours un peu teigne, a donc décidé de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe à l'Est. Oui, camarades, aujourd'hui, c'est au rythme de la balalaïka que nous partons pour Moscou. Les relations entre la France et la Russie sont millénaires. Et bien plus que la diplomatie, c'est l'amour qui unit nos deux pays. En effet, le 19 mai 1051, à Reims, le roi de France Henri Ier épouse en seconde noces Anna Yaroslavna, une belle blonde, fille du grand prince de Kiev. C'est donc par une histoire d'amour que débutèrent les relations franco-russes, et cela n'a jamais cessé depuis. Ainsi, la correspondance entre la grande Catherine et le lumineux Voltaire dissimule mal, sous couvert de philosophie, une véritable passion platonique. Bon, bien entendu, comme dans toutes les histoires d'amour, parfois, ben, il y a embrouille, comme en 1812, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, Napoléon pouvait se croire vainqueur. Il avait battu l'armée russe à la Moskova, au prix de pertes si fortes que les Russes considéraient aussi la Moskova comme une victoire. Et leur armée se retirait en bon ordre à travers Moscou, qui se vidait de ses habitants. Si bien que lorsque, le 15 septembre 1812, Napoléon y fait son entrée sur son cheval, l'émir, à la tête de la garde impériale, en grand uniforme, pour éblouir une population ébahie, il n'éblouit personne. Les rues sont désertes. Dans la nuit, un incendie se déclare, on le maîtrise. La seconde nuit, il en éclate dans tous les coins. Le vent s'en mêle, le feu gagne des entrepôts d'eau de vie. La grande ville de bois n'est plus qu'un immense brasier. Les flammes atteignent le Kremlin. Napoléon s'échappe par une poterne qui s'ouvre sur le fleuve. Oui, ou bien il sort par la grande porte, ça dépend des historiens. En effet, à Moscou, Napoléon connut l'expiation. Bien sûr, il neigeait, et pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour, l'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. La Bérézina fut ensuite comme une blessure d'amour, comme une comédie à la française réorganisée par décret à Moscou. Et en 1854, avec Napoléon III, les amants turbulents se firent une nouvelle scène en Crimée. La gifle de Moscou eut pour réponse Sébastopol. Pourtant, après ces querelles d'amoureux, la passion renaît plus forte que jamais. En 1893 est signée une sublime convention, presque un contrat de mariage, qui permet l'alliance durant la Grande Guerre. Pourtant, avec la révolution bolchévique et la guerre civile en Russie, le divorce semble proche, même si en France, le cœur bat toujours pour Moscou, comme te l'expliquait Romain Rolland en 1937. Aux amis soviétiques, à tous les bons travailleurs des sept républiques, j'apporte le salut d'un travailleur de mon pays, du camarade Colin de la Bourgogne française. Mon Colin de Bourgogne souhaite au Colin de l'URSS beau travail, belle récolte, vaillance et gaie humeur. Gaie humeur, mais aussi folle détestation, c'est l'amour entre attirant ses répulsions de la France et de l'URSS. Pourtant, au milieu du XXe siècle, avec le grand Charles, la tendresse est de retour. En 1944, le général de Gaulle est à Moscou et signe avec Staline un traité d'alliance comme un petit flirt avant la véritable déclaration d'amour en 1966. Je suis infiniment touché que le gouvernement de l'Union soviétique et la municipalité de Moscou me donnent l'occasion de m'adresser directement à quelques-uns des innombrables habitants de votre capitale. Je garderai un souvenir inoubliable de l'accueil qui m'a été fait ici. Das Radbouillet Maswa! Das Radbouillet Rossia! Das Radbouillet Drujba! Rossi y Franci! Restrabouillet, enfin Zdradzvouillet, autrement dit bonjour, c'est la déclaration d'amour du général de Gaulle à la Russie en 1966. La même année, et avec le même objectif d'ailleurs, la France quittait le commandement intégré de l'OTAN afin d'affirmer son indépendance face aux States, à bon entendeur. Et oui, pour de Gaulle, la visite officielle de 1966, c'est aussi l'occasion de retrouver à Moscou de vieilles connaissances. Come in. Come on. Salut. Salut. Oh, je suis contente de te voir. J'étais toute seule à Moscou. Je me faisais chier. Et puis je me suis dit que toi aussi t'étais en Russie. Ouais. Je me suis dit, c'est trop con. Il faut qu'on se voit. Je suis trop contente que t'es venu. T'es vraiment un mec bien. Si. Oui, bon, se revoir, d'accord. Mais il ne faut pas précipiter les choses, car les divergences d'opinion politique dans le vieux couple franco-soviétique restent d'actualité. Ah, ils nous en ont fait avaler des couleuvres, de Prague à Budapest, de Sofia à Moscou, les staliniens zélés qui mettaient tout en œuvre pour vous faire signer les aveux les plus fous. Vous aviez combattu partout la bête immonde, des brigades d'Espagne à celles des maquis. Votre jeunesse était l'histoire de ce monde. Vous aviez nom Kostov, Poulondon ou Slansky. Eh oui, le bilan est assez difficile à assumer quand on se souvient du Bulgare Kostov ou des Tchécoslovaques London et Slansky, victimes des procès staliniens. La caricature macabre du socialisme, qui s'installa en URSS, a quelque peu distendu les élans amoureux franco-russes. Alors, avec la fin du communisme en URSS, qu'en est-il aujourd'hui de cette histoire d'amour ? Yes, I love America. Mais pour appuyer votre amour de l'Amérique, vous avez dit, je cite, « Oui, j'aime le modèle américain, vous voulez quoi que j'admire le modèle russe ?» Bah oui, alors j'ai dit russe, j'aurais pu citer d'autres pays ratés, hein, comme le Maghreb ou la Chine ou l'Afrique. USA, USA, USA, c'est les Américains les plus forts. Oui, mais il y a 6 milliards de personnes autour des États-Unis. Les Russes, là, ils vont penser quoi? On s'en fout des Russes, on est avec les Américains, nous. Puis, le modèle russe, ça va, hein, c'est quoi? C'est vodka, mafia et prostitution. Et en plus, ils mangent leurs enfants. J'adore l'Amérique, et eux, ils m'adorent. Et les Russes, c'est de la merde. Et voilà, encore un épisode compliqué de l'amour franco-russe. Ainsi, alors que l'amante allemande fait des clins d'œil appuyés vers l'Est, certains ont comme unique réponse de regarder à l'Ouest, sans se demander si, par là-bas, on n'aurait pas affaire à une allumeuse. Parce que, mine de rien ou gisement épuisé, il ne faut pas oublier tout notre passé du côté de Moscou. On ne choisit pas son enfance, on m'a pas laissé être droitier. Mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La la la la la la la. L'hiver, les pays de l'Est, c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments. Les nuances de gris, ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moi 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La la la la la la la. Fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre. La viande, elle était en option. On a acheté du Coca-Cola Cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose. On s'en servait pour désherber. On regardait pas la contrebande, on regardait pas la corruption. La Sibérie, c'était Disneyland. Le discernement en option. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'International. Les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Il refusait la priorité à droite systématiquement. La la la la la la la. Les copains se foutaient de moi tout le temps, car à l'école au premier rang, j'avais les lunettes de Brejnev et le dentier d'un Tupolev. Mon père était tellement de gauche qu'en 80 il croyait que ça changerait. Je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter. Et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai, le socialisme comme paradis, nous on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, la gauche est partie avec lui. Salut, pas. Non, je déconne. Mon père était tellement de gauche, c'est ce que regrettent les fatales Picards, alors que les Russes, eux, ne regrettent absolument pas la terreur du petit père des peuples, aujourd'hui remplacé par le petit parrain des nantis. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Alors maintenant, la clepsydre style soviétique du Mangin Palace nous indique qu'il est 11h21 et après avoir revisité l'histoire des relations franco-russes, il est temps désormais de nous intéresser durant quelques minutes à la vie culturelle bouillonnante de Moscou. Oui mon ami, que faire le week-end lorsque tu crèches dans la cité du Kremlin ? À Moscou, il suffit simplement de claquer quelques menus kopecks pour profiter de la richesse de la culture russe. Depuis le 15 mai 1935, la ville possède en effet le métro le plus beau du monde. On appelle d'ailleurs les stations du métro moscovite les palais souterrains. Prendre le métro à Moscou, c'est explorer le Louvre à Paris. À la station Mayakovskaya, on trouve de somptueuses mosaïques éclairés par de magnifiques lustres. Les marbres de l'Oural et du Caucase en constituent les murs et les colonnes, et de sublimes statues de bronze scrutent les millions d'usagers quotidiens, une œuvre d'art soviétique. Cela dit, après une longue et obscure période de censure soviétique, justement, la créativité russe s'exprime désormais librement au cœur de la capitale. Un foisonnement culturel éclectique. Il suffit par exemple d'allumer un poste de télévision le samedi soir pour saisir combien nous devrions nous inspirer de l'ingéniosité audiovisuelle des moscovites. La télévision, je crois, également a une grande place dans la vie du moscovite. Merci mille fois d'avoir accepté de jouer avec nous au nouveau jeu Nida Nignette. Comme vous dites. Je vous rappelle les règles en deux mots, je vais vous poser quelques questions et vous ne pourrez jamais répondre ni par da, ni par niette. Vous êtes prêts? Ok, voici donc la première question. À votre avis, monsieur Yuri Gargarisme, les Américains ont-ils, oui ou non, marché sur la Lune? Et non, désolé Yuri Gargarisme, vous avez perdu. Non, vous n'avez pas le droit à une deuxième chance. Chers amis, au revoir et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de notre jeu Nida Nignette. Yuri Gargarisme, le mot de la fin peut-être? Ça c'est bien dit. De rien. Oui. On dirait du Roland Topor à l'ironie socratique lorsqu'il produisit son célèbre téléchat sur Antenne 2. Par ailleurs, le renouveau artistique moscovite ne se cantonne pas qu'à la télévision, bien entendu. Le week-end, Moscou offre une multitude d'activités culturelles nocturnes et diurnes. Suivons notre guide. Aujourd'hui, Moscou by night. Moscou la nuit, Moscou by night. Pour dîner et danser en même temps, les habitants ou les visiteurs de Moscou n'ont qu'un choix assez restreint. Après la fête de la musique, le ministère organise au stade communal la fête du Velcro, le plus grand rassemblement du monde des chaussures à scratch. Alors venez scratcher avec nous à partir de 7h pour lutter contre la dictature du lacet. Quelques restaurants typiques où l'on peut entendre de la musique tzigane, caucasienne, etc. Et une dizaine de salles environ dans les grands hôtels du centre de la ville, comme le Leningradskaya, le Sovietskaya, le Métropole, l'Ukraine, le Pékin, etc. Autre bon plan pour les amateurs de sensations, rendez-vous dans la forêt de Fontainebleauskaya avec les grands tournois de paintball à balles réelles. Rendez-vous à midi 6. Comme Catherine, hein? Catherine de midi 6. Oui, la finesse de l'humour moscovite est sans pareil, mais quittons dès à présent la Gaudriolskaya pour nous rapprocher de l'authentique culture russe. Sergei Eisenstein, Andrei Tarkovsky ou Dziga Vertov, cinéastes russes de légende, peuvent être fiers de leur descendance cinématographique. À Moscou aujourd'hui, figure-toi qu'on ne cesse de tourner des films d'avant-garde. Quel est ce nouveau film que vous allez tourner ? Ben, j'en sais actuellement que peu de choses, mais le film est tiré d'un bouquin. Quel bouquin ? Les lecteurs de votre journal connaissent sûrement pas, j'en avais jamais entendu parler moi-même. Mais c'est un truc formidable, d'une chose cosmique. Oh, c'est exagéré de dire cosmique, disons que c'est un roman longtemps délaissé, mais toujours éternel, si vous voyez ce que je veux dire. Non, et comment ça s'appelle-t-il ? Guerre épais. Guerre épais ? Oh, j'en dois faire un merveilleux en coupant les longueurs. Oh, bien entendu, il faudra changer le titre. Qu'est-ce que vous pensez de Tolstoï ? De qui ? Tolstoï. Qui c'est ça ? L'auteur de Guerre épais. Ah, oh, ce Tolstoï-là ! Il n'y a pas une chose de vraie dans tous ces bruits. Entre nous, c'est amical. Guerre plus et moins épais, tel est le titre de cette nouvelle adaptation russe et postmoderne de Tolstoï. France Inter cherche déjà à en décrocher le partenariat, paraît-il. Cela dit, Moscou possède également des trésors artistiques séculaires, venus d'une tradition beaucoup moins profane. Les chefs-d'œuvre d'architecture structurent le tissu urbain moscovite. 16e siècle, la cathédrale de Saint-Basile le Bienheureux. 19e siècle, le théâtre Bolchoï. Art nouveau, la maison de Gorki. Parfois, il suffit même de pousser la porte d'une petite église orthodoxe pour découvrir une scène incroyable. Jésus. Seigneur, je comprends qu'ici vous ayez l'habitude de parler russe. Mais moi, je ne suis pas encore de ce pays. Seigneur, vous disiez... Je disais, comment on se retrouve, Don Camillo ? Dans quel état je vous trouve, Jésus ? Tu sais, j'en ai vu d'autres depuis 2000 ans. Mais votre maison, Seigneur, votre pauvre maison... Elle est pleine de blé. Le blé, c'est le pain des hommes. Et le pain, c'est moi. Oui, Seigneur. Quand ils viennent chercher leurs grains, ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à moi. Même ceux qui n'entraient jamais ici auparavant. Et ils me parlent sans dire un mot. Par ailleurs, pénétrer une église à Moscou, c'est aussi l'occasion parfois d'assister à une sélection de la Tsar Academy qui organise chaque année un grand concours culturel auprès de la jeunesse moscovite. Concours intitulé, avec une certaine causticité de la part de la Tsar Academy, les petits chanteurs à la faucille de bois. Léonide qui habite Moscou est monté dans sa troïka, acheté du caviar et de la vodka. Mais attention, car la jeunesse de Moscou n'est pas uniquement une jeunesse naïve et tiède. Non, la culture pop et underground des faubourgs n'est pas absente de la capitale russe. Les jeunes banlieusards de Moscou ont, de leur côté, développé une contre-culture iconoclaste. Au quatrième, dans mon HLM, il y a celui que les voisins appellent le communiste. Même ça lui plaît pas bien. Qu'il est trotskiste. Tu vas te fâcher avec tout le monde, Bibi. Tes parents, tes camarades. Tu crois que c'est gentil d'écrire ces cochonneries sur le mur de l'immeuble à poil trotsky? N'empêche que mort au con, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué. C'est pour dire si j'ai raison. Je te préviens que si les parents de ce trotsky viennent se plaindre, tu vas faire des excuses devant lui. Alors maintenant, toujours dans le registre des activités culturelles moscovites, mais persifleuse, il faut évoquer cette sphère théâtrale satirique incroyable qui n'hésite pas à prendre des risques afin de titiller les puissants. Au passage, c'est l'occasion de constater combien en réalité Vladimir Poutine accepte volontiers d'être moqué. Enfin, C'est surtout ce qu'on aimerait entendre à Moscou. Encore une utopie. On découvre cela juste après le jingle et le rideau de fer. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Code de Poutine, tu es responsable, tu es coupable et tu t'en fous. Aujourd'hui, Yolande. Oui. Ah, Yolande, est-ce qu'elle est responsable de la Glasnost? Non. Non, enfin, en tout cas, c'est pas moi. En tout cas, elle l'a pas su. Bon, alors Yolande, qui est cancée? Ben, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? Ben, c'est-à-dire que moi, j'étais à l'usine de... J'étais en train de plumer des poulets. Des plumes, et voilà, j'étais c'est... avec mon chalumeau, là, je devais griller les poils. D'accord, tu devais donné... brûler les poils. Des poulets. Des poulets, et ah oui, d'accord. Et à un moment donné, bah, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais la veille, il faut dire, j'avais un peu exagéré, j'avais fait la nouba. Hein. D'accord, c'est-à-dire... Et je me suis endormie. Ah je bon me suis endormie, je, oh, endormi, je me suis endormie sur les poulets. Ah bon, oui. Et à un moment donné, je ne sais pas, j'étais attirée, je sens un petit fumée, je dis, tiens, c'est l'heure de manger. Je me réveille, il y a le feu partout. Et tous les poulets qui étaient en train de ah piller, bon, ah ben, c'était le barbecue. Ah bon, et Yolande, est-ce qu'à ce moment-là, elle s'est sentie responsable? Ah oui, c'était moi qui l'ai... C'est moi qui... Coupable. Oui, oui, c'était mais moi. Mais quand même, mais elle s'en fout. Ah ouais, non, m'en fous, moi. 3615, code Poutine, responsable, coupable. Et on s'en tape, voilà. Motherland and on some other side. Raider Dome was firing on me. I think I might have lost you somewhere in the ride between the flatland and the Caspian Sea. I might have told you a little bit too much between the crowd and the weeping willow tree. God knows how much this town has promised me. Your heart, I'll tell you how my love he soars at heights. He'll wave his wings onto me each and every hour. He'll lift me up when I come back from a fight. And God knows how much this town. God knows how much this town. Between the Flatland and the Caspian Sea, autrement dit entre le plat pays et la mer Caspienne, voilà ce que fredonne Karen Ann, puisque entre la mer Caspienne et la grande plaine de Russie ou celle de l'Ukraine, eh ben, tu trouves l'âne slave. Alors maintenant, afin de continuer notre balade en Troïka, dans les rues enneigées de Moscou, nous allons à présent partir à la rencontre des membres de la Troïka exerçant le pouvoir au Kremlin, à savoir le Tovaritch Vladimir, le Premier ministre Poutine et le potentat Vladimir Vladimirovitch Poutine et Roux. Roskiket, oup, oup, oup, oup, roskiket, roskiket, hop, hop, hop, hop, roskiket, oup, oup, oup, oup, roskiket, roskiket. Vladimirovitch Poutine-Roux est né le 7 octobre 1952 à Leningrad. Après ses études de droit, il débarque à Moscou pour apprendre le beau métier de membre du KGB, une institution philanthropique qu'il envoie très vite en RDA sous couvert de la maison de l'amitié germano-soviétique. Mais avec la perestroïka de Gorbatchev et la réunification allemande, Vladimir doit revenir fissa en Russie au calme. Seulement voilà, ça ne dure pas longtemps. Coup d'État au Kremlin, fini la perestroïka. Mikhail Gorbatchev a été déposé par les conservateurs du Parti communiste soviétique. C'est le vice-président Gennady Yanayev qui a pris les rênes du pouvoir. Des centaines de blindés dans les rues de Moscou alors qu'il est, malgré l'interdiction, des milliers de personnes manifestent encore dans le centre-ville. Boris Eltsine, le président de la Fédération de Russie, dénonce le coup d'État et appelle à la grève générale pour réclamer le retour de Gorbatchev au pouvoir. La nouvelle direction soviétique restaure la censure sur la presse et ordonne l'état d'urgence pour 6 mois dans certaines provinces. Radio Moscou diffuse de la musique classique depuis ce matin. Mikhail Gorbatchev serait détenu dans sa maison de vacances en Crimée. On est sans nouvelles du président déchu. France Inter. Ce putsch, c'est l'occasion pour Vladimir Poutine de manœuvrer en coulisses. Il profite de l'échec des communistes conservateurs pour travailler dans l'ombre et s'insérer dans les réseaux du pouvoir. Vladimir Poutine n'a alors, en apparence, aucune ambition majeure. En fait, il s'approche doucement du président Boris Eltsine et Vladimir, il sait manœuvrer. La vodka, c'est un luxe que nous avons. Le caviar, c'est un luxe que nous avons. Le temps n'en est pas un. Il s'en rend compte, camarade, et moi aussi. Je te garantis qu'il va réussir. Tant mieux. Parce qu'il semble bien que votre sort soit lié. Et en effet, le sort de Boris Eltsine et celui de Vladimir Poutine semblent liés. Car si en Russie, dans les années 90, le chef de l'État, c'est Boris, ben Vladimir, lui, il est tout comme... Ainsi donc, Vladimir Poutine soutient vaille que vaille le président Boris Eltsine dans les luttes politiques intestines de la Russie post-soviétique. Il faut dire qu'à cette époque, au Kremlin, tout est à reconstruire. Et de son côté, président Eltsine, bah, il fait de son mieux. Ce soir, Boris est chez lui. Il a éteint toutes les lumières. Il a son petit pantalon à pattes d'ef, rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, chez Boris, événement, c'est soirée disco. Oui, bon, au Kremlin, sous Boris Eltsine, c'est plus souvent soirée disco que ballet russe. Mais pendant que Boris se dégrade tranquillement, Vladimir s'approche du pouvoir dans une ascension fulgurante. Il devient Premier ministre et pour Vladimir, formé au KGB, l'ordre, c'est le cœur de sa politique. Moscou est une ville propre et peut-être la ville la plus propre du monde. C'est presque une obsession de voir comment les moscovites s'attachent à faire de Moscou une ville propre. Dans le métro d'abord, où l'on nettoie, où l'on essuie, où l'on lave continuellement. Dans les rues où chaque nuit, toutes les rues sont lavées, semblent poncées même. C'est donc un ensemble de mesures qui souligne cet extraordinaire souci des moscovites pour la propreté et pour l'hygiène. Eh oui, ça c'est connu, le russe, il se lave. Mais ce qui est formidable avec Vladimir Poutine, c'est qu'il part nettoyer d'autres républiques, comme en Tchétchénie, où est organisé le massacre d'un peuple avec interdiction d'en parler. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Et c'est ainsi que la journaliste Anna Politkovskaya, qui dénonçait le pouvoir autoritaire du Kremlin, a été exécutée le 7 octobre 2006, le jour même de l'anniversaire de Vladimir Poutine, dis donc. Happy birthday, Mr. President. Enfin, Zdeniom Roydenia. Enfin, tout le monde le sait, l'autocrate Vladimir Poutine dirige la Russie d'une main de fer. Mais qu'en est-il de sa vie privée? Eh bien, avec son épouse Lyudmila, Vladimir, il est doux, tout doux. Святыню светлую свою храню, как ярко солнце осветило жизнь мою, когда каким-то чудом на моем пути встретилась ты. Эй, oui. On est mauvaise langue de traiter Poutine de dictateur, car en réalité, Vladimir est un tendre. D'ailleurs, l'ultra-capitalisme libéral préférera toujours un pouvoir autoritaire qui maintient l'ordre économique à l'anarchie de la liberté. Ainsi, Vladimir Poutine n'est pas un monstre. C'est un homme qui parfois rigole. Non. C'est un homme qui parfois pleure. Non plus. Enfin bon, c'est au moins un homme qui mange. Ton estomac, des sensations magnifiques. Serre-moi une poutine chaude. C'est la pizza chaude. Il y a une vulgaire bouillante. Je veux une classique, pas autre chose. Sorti du club, je ne pense qu'à mettre une seule chose dans ma bouche. Une meute qui fait déguster de la poutine à la louche. Danse la poutine. Si ça va pas dans ta vie, danse la poutine. Tu oublieras tous tes soucis. Danse la poutine. Ah, la fameuse poutine que certains trouvent indigeste. Mais bon, tout ça dépend des goûts. Regarde, un président du présidium du Soviet suprême, lui, il déjeune à la vodka, alors que de leur côté, les tsars dînent à l'huile. Et oui, Vladimir Poutine est à la fois l'héritier des tsars et du stalinisme. J'avais expédié au goulag durant mon stage au KGB, ceux qui votèrent lors du plénum faire un aquarium du mausolée. Et j'ai prié, prié Staline pour qu'il revienne. Et j'ai pleuré, pleuré en plein Soviet suprême. Ainsi, parfois, Vladimir Poutine se sent seul, car c'est là aussi une difficulté majeure du pouvoir personnel. Heureusement pour Vladimir, il y a les sommets internationaux, comme le G8 par exemple. D'ailleurs, en juin dernier, en Allemagne, Vladimir s'est fait un nouveau copain. Mais si, souviens-toi, on a tous vu la vidéo de Nicolas Sarkozy après son entretien avec Vladimir Poutine. Eh bien, nous à La Panique, en exclusivité, on a le son de ce qui s'est passé pendant. Un toast à ma nouvelle et grande famille russe. Vashen zdorovye. Vazdorovye. Nyezdye. Dvorak. Olaf. Na, dvorak. Vodke. Vodke. Vodke. Dvorak. Везде? Но. Везде? Но. О, да. О, но. Да, да, да, да. Но. Где, где, где, где, где, где, где, где? Да. Дора. О, по, по, по, по. Qu'est-ce que vous préférez que je réponde aux questions? Y a-t-il des questions? Ah, oh. Везде. На здоровье! Везде. На здоровье! C'est ce qu'a souhaité Dimitri Medvedev à Vladimir Poutine le 2 mars dernier. Et en effet, Poutine ne pouvant être élu une troisième fois président de la Russie, il a laissé sa place à son allié Medvedev, dont il va d'ailleurs devenir le premier ministre. La jolie démocratie bicéphale. Mais le problème avec le pouvoir personnel, c'est qu'on ne peut pas le partager l'un avec l'autre sans risquer d'allumer le feu. L'un sans l'autre, c'est un incendie, un incident bien senti. L'un se dit prêt à mourir pour l'autre, l'autre aussi. L'un sans l'autre, c'est un incendie qui ne s'éteint pas de la vie. L'un soleil, l'autre lune. L'un soleil, l'autre lune. L'incendie, tja tja tja, c'est l'un sans l'autre, tja tja tja. L'incendie, tja tja tja, c'est l'un sans l'autre, tja tja tja. Tja tja tja. L'incendie, c'est celui que tente d'allumer Vanessa Paradis sur son dernier album intitulé Divine Idylle, alors qu'à Moscou, pour Napoléon, l'incendie en 1812, ce ne fut pas le paradis. Oh là là, oh ma mère, aïe aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, oh là là là là. Alors maintenant, afin de prolonger notre périple russe, il est grand temps désormais à 11h45 de retrouver nos deux mauviettes suprêmes, la babouchka Monique et Jean-Claude le Moujik. Il faut savoir que dimanche dernier, nos deux camarades sont allés passer leur soirée au Kremlin, Bicêtre, petite commune qui se trouve au sud de Paris. Car figure-toi que Monique y a vécu quelques années lorsqu'elle était adolescente. À l'époque, au Kremlin Bicêtre donc, elle fréquentait un jeune russe ténébreux, Alyosha. Une simple histoire d'amitié, paraît-il. Cela dit, encore aujourd'hui, quand Monique évoque Alyosha, il demeure une ambiguïté. Si vous connaissiez mon russe, c'est celui que j'aime le plus. Il n'est pas exubérant, mais c'est un type épatant. Quand je lui demande qui m'indique ses opinions politiques, il me répond, ne t'occupe pas de ça, passe-moi la vodka. Est-il blanc ou rouge, mystère, je n'ai jamais pu le savoir. En tout cas, la chose est claire, il est toujours noir. Si vous connaissiez mon russe, c'est celui que j'aime le plus. Mais j'oublie tous ses défauts, car je l'ai dans la peau. Quoi qu'il en soit, le ténébreux Alyosha vit encore aujourd'hui au Kremlin à Bicêtre et il entretient avec Monique une relation épistolaire épisodique, même si voilà des années qu'ils ne se sont point vus. C'est ainsi que dimanche dernier, flanqué de Jean-Claude, Monique a décidé de faire une surprise à son ami russe Alyosha en débarquant à l'improviste. Et dans la bagnole, sur la route du Kremlin à Bicêtre, Jean-Claude semblait perdu dans ses pensées. C'est alors que Monique lui a demandé où il était. J'ai repensé à toutes les filles que j'avais connues, avec qui j'avais couché ou même que j'avais seulement désirées. Je me suis dit qu'elles étaient comme des poupées russes. On passe sa vie entière à jouer à ce jeu-là. On est curieux de savoir qui sera la dernière. La toute petite qui était cachée depuis le début dans toutes les autres. On ne peut pas l'attraper directement. On est obligé de suivre un cheminement. Il faut les ouvrir, l'une après l'autre, en se demandant à chaque fois... Est-ce que c'est elle, la dernière ? Monique sourit avec malice de cette jalousie latente du Jean-Claude vis-à-vis d'Alyosha. Enfin, au passage, elle compte bien être la dernière femme, la babouchka du Jean-Claude. Toujours est-il que nos deux compères arrivent paisiblement au Kremlin Bicêtre vers 15h30. Monique découvre alors curieusement qu'à l'adresse où réside a priori Alyosha, c'est un restaurant. Elle entre et aperçoit la Dragomir, lui aussi une vieille connaissance, puis arrive Alyosha. La surprise est efficace, bien sûr, l'émotion est au rendez-vous et tout le monde s'embrasse comme du bon pain. Immédiatement, Monique interroge ses deux amis russes sur leur nouvelle activité professionnelle. Nous sommes installés ici, nous sommes propriétaires de ce boîte. Elle est à nous. On est tous immondes capitalistes. Et si tout va bien, nous serons probablement encore plus que nous avons rêvé. Vous voulez dire que vous désertez la Russie ? Déserter la Russie ? Notre restaurant ici, c'est vrai, Russie. Russie de bonne volonté, de hospitalité, de gens affables. Blinis avec de la crème. Et Piroski. Tu vois, en servant bon petit plat, nous servons la bonne cause de notre peuple. Ouais. Enfin bon, Monique est tout de même un peu déçue que ses deux amis russes aient renoncé à leurs idéaux soviétiques. Alyosha et Dragomir réclament alors le point de vue de Jean-Claude. Ne vaut-il pas mieux, mon vieux, profiter de l'économie capitaliste ? Jean-Claude leur répond avec ces trois mots de russe que... Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, Tout le monde rit des efforts en russe du Jean-Claude. Quand soudain, Igor, le maître d'hôtel du restaurant, se pointe catastrophé car il vient de constater un dégât des eaux colossal dans le Kajibi. Résultat... Il n'y a plus de vodka, il n'y a plus de troïka, plus de balalaïka, il n'y a que de la mouskaya. Il n'y a plus de vodka, il n'y a plus de troïka, plus de balalaïka, il n'y a que de la mouskaya. Il n'y a plus de vodka, il n'y a plus de troïka, plus de balalaïka, il n'y a que de la mouskaya. Bon, Eh ben, ce soir, dit Dragomir, pour le dîner, ce sera mouskaya pour tout le monde. Cela dit, ça tombe bien, puisque le resto est fermé le dimanche soir et les Russes du Kremlin Bicêtre vont donc pouvoir se consacrer pleinement aux camarades Jean-Claude et à Monique, bien sûr. À 22h30, la soirée russe au Kremlin bat son plein. Alyosha et Monique sont très heureux de passer un peu de temps ensemble pendant que Jean-Claude lui picole une vieille vodka de l'époque soviétique en compagnie de Dragomir. D'ailleurs, Jean-Claude lui fait remarquer qu'il devrait peut-être penser à développer un peu plus encore leur activité commerciale et capitaliste. Eh oui, resto moscovite midi et soir, certes, mais la nuit. La Russie est également très à la mode selon Jean-Claude. D'ailleurs, serais-tu chiche, Dragomir ? Dragomir, t'es pas chiche, Kalinka le partouze. Faut ma crème, ma crème. Non mais oh, hors de question de transformer le resto en bordel moscovite, s'insurge Dragomir. Mais non, réagit Jean-Claude, votre ville là, le Kremlin Bicêtre, eh bien son nom provient de l'enseigne d'un cabaret baptisé au Sergent du Kremlin, qu'avait ouvert au 19e siècle un ancien soldat des armées de Napoléon en souvenir de la campagne de Russie. Alors ouvrir un club russe ici la nuit, ben c'est dans l'esprit. Immédiatement séduit par cette idée de cabaret russe, Alyosha, lui, se lance dans une interprétation des Nuits de Moscou. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится, ведь и тихие вечера. Monique est émue aux larmes devant l'âme et l'organe slave d'Alyosha. Jean-Claude, qui s'aperçoit de son petit manège cosaque à la con, là, décide alors à son tour de se lancer dans une interprétation vocale digne, là aussi, d'un joyeux cabaret moscovite. Il avait de belles moustaches, le sourcil noir, le regard clair, un peu bourru, un peu bravache, pour nous, c'était presque un père. Joli cœur sous une peau de vache, grand cœur sans en avoir l'air, révolutionnaire sans tâche, oui, Staline est exemplaire. C'est la lutte finale. Au gué, vive la rose. Coupons-nous et demain. Au gué, vive la rose. Car l'international, vive la rose et le lilas, sera le genre humain. Vive la rose et le. Oh là là là là, c'est la boulette du Jean-Claude. Pour Alyosha, ok, le camarade Staline a grave déconné, mais on ne déconne pas avec l'international. Discrètement, Alyosha passe alors un petit coup de fil pendant que ses convives continuent de picoler la vodka soviétique. Quand une demi-heure plus tard, deux femmes aux impairs cintrés se pointent dans le resto et s'avancent vers Jean-Claude. Oui, c'est moi. Samnoi, пожалуйста. Идем со мной, не бойтесь. Пожалуйста, идите. Qu'est-ce да. qu'elle dit? Je comprends. Allez, va, vas-y, on ne sait rien, tu verras. Non, non, mais non. Mais идите. Non. Allez, allez, va. Пожалуйста. Je m'excuse, mais vous m'amenez où? Vous pouvez me le dire? Da. Au Kremlin Bicêtre demeure une antenne du KGB et Jean-Claude risque ainsi l'internement psychiatrique dans les tréfonds du KGB. Monique, qui comprend soudain ce qui est en train de se passer, décide Fissa de négocier avec son ami russe Alyosha. В Ленинграде в этот вечер после ужина мы брали машину и айда по городу из конца в конец. Устроите катание. Не то время, Антонина Николаевна. Машины на вес золота. Каждый литр горючего экономит. Какого-нибудь. Oui, Monique manie la langue russe. Et afin de sauver Jean-Claude du goulag, elle roule une archipel à Alyosha en souvenir du passé.